Exercice 4, page 104. Enfant, chantant, ensemble, entendre. Bonbon, tonton, confondre, concombre. Mont Blanc, content, longtemps, comprendre. Chanson, jambon, menton. Rencontre.